France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Par la télévision, à la fin des années 80, au temps des Océaniques de Pierre-André Boutan, Théodore Monod est devenu une figure familière pour le grand public, un personnage médiatique, à la faveur du film réalisé par Karel Prokop, Le vieil homme et le désert. Pour nombre d'individus, c'est vrai, je suis simplement le vieux monsieur qui se promène dans les dunes, disait-il. Ils imaginent que j'ai passé 70 ans à me balader dans le désert. J'y allais, de loin en loin, avec beaucoup d'intérêt et de plaisir, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses au cours de mon existence. Quelques années avant ce film, en 1982, Les Chemins de la Connaissance accueillaient Théodore Monod pour une série de 5 entretiens avec Jean-Pierre Spilmont et Claude Hervian. Celui qui fut peut-être le dernier naturaliste était alors encore largement méconnu. Aujourd'hui et toute cette semaine, nous recevons Théodore Monod, membre de l'Institut, professeur honoraire au Muséum d'Histoire Naturelle. Théodore Monod est un homme qui a mis sa conscience à l'épreuve de sa vie. Il y a plus d'un demi-siècle qu'il se bat pour que l'individu, l'homme, ne plie pas devant ce qu'il ne domine pas techniquement et moralement. En 1982, nous avons, croyons-nous, toutes les bonnes raisons de l'écouter. Je suis d'abord un vieil homme, puisque je vais avoir 80 ans au début d'avril. Et je suis un vieil homme qui a consacré sa vie aux sciences naturelles. Officiellement, je suis zoologiste, c'est-à-dire que je m'occupe des animaux. Et parmi les animaux, j'ai deux spécialités, les poissons et les crustacés, sur lesquels j'ai fait un certain nombre de travaux au cours de ma carrière. Mais en dehors de la zoologie proprement dite, comme je suis affligé d'une curiosité insatiable, j'ai été amené au cours de mes voyages, puisque j'ai passé beaucoup d'années en Afrique, j'ai été amené à m'intéresser à d'autres disciplines que la zoologie proprement dite. Et c'est ainsi que j'ai travaillé dans le domaine de la botanique, en particulier de la botanique des régions désertiques, la géologie et également la préhistoire. On a l'impression que vous avez une éternelle jeunesse. Je suis un vieil homme qui marche encore assez bien, et même dans le sable. L'année dernière, j'étais encore dans le Sahara oriental, et je suis encore capable de marcher longtemps, et en terrain varié, comme on dit. J'appartiens à une famille nombreuse, et qui est presque une tribu, c'est une famille très nombreuse, les Monod à travers le monde. Alors j'ai dit, moi, c'est pas une famille, c'est une tribu. Et j'ajoute, c'est ce qu'on appelle au Sahara et dans les pays musulmans une tribu maraboutique, c'est-à-dire une tribu qui s'est largement consacrée aux activités intellectuelles et spirituelles, et depuis très longtemps, puisque j'ai au-dessus de moi, c'est encore une curiosité au point de vue généalogique, j'ai au-dessus de moi, en ligne directe, 5 générations de pasteurs, c'est-à-dire de ministres protestants, du culte protestant. Sur les 4, il y a 3 frères. Ce qui est tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant, parce que c'est pas usuel. Et sur ces 4 arrière-grands-pères, il y a 3 pasteurs et un médecin. Et alors ça s'est passé de la façon suivante, simplement mon père a épousé sa cousine, il a épousé une Monod, ma mère était une Monod. Et son père, à lui, avait également épousé sa cousine, une Monod. Ça fait 2. Et alors moi, je suis le résultat des dégâts que peuvent faire les mariages consanguins, ce que les éleveurs appellent inbreeding. Il paraît que c'est tout à fait néfaste. Alors ça c'est l'héritage. Oui, vous me demandiez comment je pouvais encore faire ce que je fais dans le domaine physique, par exemple. Ça c'est l'héritage, qui est à la fois physique naturellement et moral et mental, bien entendu. Mais il y a aussi ce que l'individu a décidé de faire ou de ne pas faire, c'est-à-dire l'hygiène qu'il estime devoir être la sienne. La mienne n'est pas très compliquée, je n'ai jamais bu de ma vie d'alcool, je ne mange pas de viande depuis je ne sais combien d'années, pour différentes raisons, en particulier pour protester en Afrique contre la façon dont on égorge les animaux. Je n'ai jamais fumé. Donc, vous pensez qu'en plus de l'hérédité, on peut quand même maîtriser plus ou moins son existence de ce côté-là, quoi? Ah, j'en suis convaincu. L'hérédité, c'est une donnée, n'est-ce pas? On la reçoit, on n'est pas responsable de son tempérament. Mais je crois qu'on est, dans une certaine mesure, responsable de la façon dont on construit, à partir de cette donnée qu'on a reçue, dont on construit une personnalité, et non pas un personnage. Le personnage, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. C'est les galons, c'est les grades, c'est les diplômes, etc., etc. Mais la personne, c'est beaucoup plus sérieux. C'est vraiment ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Cinq générations de pasteurs. Là, je suppose que sur le plan spirituel, moral, il y a une marque très forte. Ah, j'en suis convaincu, oui. Je suis évidemment très, très protestant, comme on dit, dans différents domaines. Ça représente encore, je dirais même, ça représente encore un certain nombre de caractéristiques morales et également spirituelles. Et alors, dans ce domaine-là, il y a des protestants de différentes espèces, de différents, je dirais même de différents bords, différentes écoles, de différentes. Et à l'intérieur du protestantisme, il y a des familles spirituelles, ce qui est tout à fait normal. Le pluralisme, c'est tout à fait normal. Et pour ne rien vous cacher, j'appartiens à ce qu'on appelle le protestantisme libéral, c'est-à-dire un protestantisme qui attache davantage d'importance à la rectitude de la conduite. Aucun texte, aucun mot humain ne peut se prétendre contenir la vérité avec un V majuscule. On ne peut pas exprimer l'inexprimable avec des mots humains. Alors, laissons une large part à l'interprétation et à la conviction individuelle. Je crois que pour nous, c'est ça, c'est le christianisme vécu. Et pour nous, le christianisme, ce n'est pas nécessairement le texte des dogmes proprement dit. C'est le cœur de l'évangile. Les béatitudes, par exemple. Hein. Les béatitudes, pour moi en particulier, pour beaucoup d'autres, je crois. C'est ça le christianisme, c'est ça, c'est la joie, la simplicité et la miséricorde, voilà. Héritier de cinq générations de pasteurs, et d'un seul coup, Théodore Monod, à quel âge choisit une discipline qui est la zoologie, va l'amener à... Ah, c'est toute une aventure, parce que j'ai toujours été attiré par l'histoire naturelle, et c'est pas tellement... Alors là, l'hérédité, c'est assez mystérieux, parce que la plupart de mes ancêtres ne s'intéressaient pas à l'histoire naturelle et l'ignoraient avec sérénité. On raconte même une histoire assez amusante d'un de mes ancêtres, excellent théologien peut-être, et qui, passant avec un de ses collègues sous un noyer, ramasse une noix verte et dit sentencieusement, l'écriture dit, tu reconnaîtras l'arbre à son fruit, Ceci est une prune, donc ceci est un prunier. Meilleur théologien que botaniste. J'ai une grand-mère quand même, la mère de ma mère était très intéressée par l'histoire naturelle, et j'utilise encore une flore de France qu'elle avait et qui me vient d'elle. Alors donc j'ai été de très bonne heure attiré par l'histoire naturelle, tout jeune. Et cette histoire naturelle vous conduit très vite en Afrique. Oui, ah, ça, mais pas tout de suite. Non, attendez, je vais vous dire quelque chose encore avant de passer à l'Afrique. Oui, j'ai à un moment donné de mon adolescence, j'avais décidé de suivre l'exemple de mon père et de devenir pasteur comme lui. Et puis ayant appris qu'à la faculté de théologie protestante, on pouvait être dispensé de la première année, qu'on appelle l'année de philosophie, qu'on appelait à cette époque-là l'année de philosophie quand on avait des titulaires d'une licence, quelle qu'elle soit, j'ai dit, bien, je vais faire une licence de sciences naturelles. Et puis ensuite, alors, j'entrerai à la faculté de théologie en deuxième année. Et j'ai commencé ma licence de sciences naturelles et je suis resté un naturaliste. Pour moi, ça a été le hasard. J'étais à la station biologique de Roscoff et j'ai fait une excursion avec un géologue qui s'appelait Barabé, qui avait de magnifiques moustaches de franc ripuaire, qui regardait toute sa vie d'ailleurs, qui est devenu professeur à la Sorbonne. Et nous avons été le long d'une petite rivière près de Roscoff qui s'appelle la Pinzée. Et nous avons été voir la vase qui se trouve au bord de cette rivière. Il y a des banquettes de vases durcies. Et dans ces banquettes de vases, nous avons cassé cette vase. J'ai observé là un petit crustacé qui s'appelle Paragnathia formica et qui a été l'origine d'une thèse que j'ai consacrée non seulement à ce petit crustacé-là en particulier, mais à la famille à laquelle appartient ce crustacé, qui est la famille des Gnathidae. Bon, alors une fois que... Ensuite, je suis entré au muséum comme assistant dans un service qui s'appelait, à cette époque-là, Pêche et production coloniale d'origine animale. Et ce service avait un certain nombre d'assistants qu'on envoyait à l'extérieur pour faire des enquêtes sur les pêches, par exemple, dans ce qui était à cette époque le domaine colonial français. Et presque aussitôt après mon entrée dans ce service, on m'a dit, vous allez partir pour la Mauritanie. J'avais 20 ans, je crois que c'était en 1922. Vous allez partir pour la Mauritanie, vous allez aller à Port-Étienne, c'est l'endroit qui s'appelle maintenant Nouadhibou, et vous allez vous intéresser aux pêches et aux poissons de cette région-là. Et c'est ainsi que je suis parti pour la première fois pour l'Afrique et pour la Mauritanie, en 1936, et en 1938, j'ai été envoyé à Dakar pour assurer la direction, je dirais même la création, parce qu'il n'y avait rien. Il y avait un petit local dans lequel mes livres sont restés par terre pendant 6 mois, parce que je n'avais même pas une étagère. Et puis après, ça s'est développé. Maintenant, l'Institut français d'Afrique noire, qui s'appelle maintenant l'Institut fondamental d'Afrique noire, est une grande maison installée sur le campus universitaire de Dakar. Et alors à partir de là, j'ai passé 25 ans à la direction de cet institut, tout en revenant d'ailleurs pratiquement tous les ans à partir de la fin de la guerre pour faire mes cours à Paris. Et c'est ce long séjour en Afrique qui m'a permis de participer à un très grand nombre de missions de recherche dans l'Afrique de l'Ouest et en particulier dans les régions sahariennes. Ça fait plus d'un demi-siècle. J'étais chargé d'étudier les poissons, bien sûr, mais je me trouvais, en somme, entre deux océans, entre l'océan salé et liquide, et l'océan sableux et pétreux du désert. Et puis, en équilibre sur cette cloison, j'ai fini par sans oublier l'océan liquide auquel m'attachait ma profession, et j'ai fini par tomber dans l'autre. Et quand il a fallu, au bout de mon séjour à Port-Étienne, rentrer en France, au lieu de prendre un bateau, un cargo, et de rentrer à Bordeaux, j'ai pris un chameau et je suis rentré par le Sénégal. J'ai traversé toute la Mauritanie occidentale jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et ça a été mon premier contact avec le Sahara. Ça, c'était en 1923. C'était en 1923, oui. Ça a duré jusqu'à peu près un mois, je crois, le voyage. J'en avais assez de tourner le dos au sable, au désert, et à regarder toujours vers l'ouest, les vagues et les poissons. Ben, les poissons, ça va bien, je les avais vus, j'avais fait ce que j'avais à faire. Il n'y a rien de romantique, non, c'est la curiosité. Ouais. La curiosité de voir comment est fait un désert, quels animaux y vivent, quelles plantes y poussent, etc. Enfin, c'est un appétit de connaissance. Ouais. Alors ça a été une première initiation. Et à partir de cette première initiation, alors j'ai été mis en appétit et je n'ai plus... j'ai voulu, à partir de là, profiter de toutes les occasions possibles de reprendre contact avec le Sahara. Alors par exemple, quand le moment est venu de faire mon service militaire, j'ai demandé à le faire comme... dans une unité mériste. Et j'ai fait mon service comme chamelier de deuxième classe, parce qu'il n'y en avait pas de troisième. Ce qui m'a permis de nomadiser dans un massif montagneux du Sahara central, qui s'appelle l'Adrar Ahnet, et d'en rapporter deux volumes. Un sur l'archéologie de cette région, il y avait beaucoup de gravures rupestres, de dessins sur les rochers, et un autre travail sur la géologie de cette région. Les conditions dans lesquelles je vivais à ce moment-là étaient tout à fait particulières, parce que on savait pourquoi j'avais demandé à faire ce service dans ces conditions, et on déplaçait même l'unité quand j'avais besoin d'aller voir la montagne d'à côté. D'entendre le premier volet d'une série de 5 entretiens avec Théodore Monod par Jean-Pierre Spilmont et Claude Hervian pour Les Chemins de la Connaissance, diffusé pour la première fois le 22 février 1982. La suite demain à la même heure. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.